Chapitre 21e, le jugement. Le mardi matin avait été fixé pour le jugement de Harbert Dare. La ville entière assiégeait les abords du palais de justice. Quoiqu'un nombre fort restreint de curieux pût seul réussir à pénétrer dans l'enceinte. Les uns retournaient chez eux, mécontents et désappointés, les autres restaient dans la rue. Les sergents de ville avaient grand-peine à maintenir l'ordre, et les hommes d'armes annonçant l'entrée des juges avaient mille difficultés à leur ouvrir un passage. Sir William Carlyle, que nous avons vu samedi dans la voiture du shérif, prit la place de président de la cour. Le prisonnier fut immédiatement amené à la barre, et toutes les têtes s'avancèrent pour mieux voir. On aperçut un grand et beau jeune homme en deuil, à l'air distingué, au teint pâle. Il portait son mouchoir à sa bouche, mais par ce signe d'émotion, il paraissait calme. Monsieur Dare, qui était dans l'audience, était bien plus agité que son fils. Les préliminaires achevés, l'interrogatoire commença. Prisonnier à la barre, comment plaidez-vous? Comme coupable ou comme non coupable? Harbert Dare leva avec calme les yeux sur le juge et répondit avec fermeté, comme non coupable. Le procureur de la reine, M. Brown, énonça l'affaire. Son discours occupa un certain temps après lequel il appela les témoins. Un des premiers fut Betsy Cartier. Elle déposa qu'elle avait attendu avec la femme de chambre et Joseph le retour de M. et Mme Dare et de leur fille, qu'elle était ensuite allée dans la salle à manger avec une lampe chercher la pipe de M. Dare, qu'elle y avait laissée le matin en nettoyant la chambre. En m'avançant avec la bougie, continua Betsy, qui, une fois sa timidité première passée, paraissait disposée à être très communicative, je vis quelque chose de noir par terre. Au premier abord, je crus qu'un de ces messieurs s'était endormi là. Mais quand je me penchai avec la lumière, je vis qu'il était mort. C'était affreux. « Qu'avez-vous fait après ?» demanda le procureur. « Je me suis mis à crier, » répondit Betsy. « Et puis quoi d'autre ? Je suis sorti de la chambre en appelant Joseph, et monsieur est rentré de devant la maison où il attendait tout paisiblement sa pipe, ne pensant guère à ce qu'il y avait tout près de lui. Je criais encore plus fort, moi, en me rappelant la querelle qui avait eu lieu dans la salle à manger ce même jour, parce que je savais que le coupable ne pouvait être M. Harbert. Le témoin fut sèchement invité à s'en tenir à l'énoncé des faits. Ce ne pouvait être personne autre que lui, répliqua Betsy, dont la langue, une fois montée, défiait tous les contradicteurs. Le manteau le prouvait bien. M. Harbert était sorti le même soir avec son manteau, et le pauvre monsieur mort était étendu dessus, ce qui prouve que le manteau a dû tomber dans la lutte. La querelle des deux frères, les faits relatifs au manteau avaient déjà été mentionnés par M. Brown dans son réquisitoire. On demanda au témoin ce qu'elle savait de cette dispute, mais elle ne put en parler en connaissance de cause, n'ayant pas assisté. Quant au manteau, elle affirma qu'il appartenait à M. Harbert. « Comment savez-vous que le manteau trouvé sous le cadavre était celui de M. Harbert ? » demanda un des avocats du prisonnier, M. Chataway. « Parce que je le savais, » répondit le témoin. « Je vous demande à quoi vous le reconnaissez, à une foule de signes. » D'abord à l'agrafe, et puis aux déchirures et au raccommodage. Personne n'a jamais prétendu que ce n'était pas le manteau de M. Harbert. Je l'ai vu 50 fois dans son armoire. Vous avez vu le prisonnier sortir avec ce manteau le même soir? Oui. Je regardais par la croisée de la chambre de Mademoiselle Adélaïde, et je le vis passer par la fenêtre de la salle à manger et aller au portail. Ces messieurs passaient souvent par cette fenêtre au lieu de traverser le corridor. Le prisonnier dit qu'il était revenu immédiatement et qu'il a laissé définitivement son manteau dans la salle à manger. L'avez-vous vu revenir? Non, je ne l'ai pas vu. Combien de temps êtes-vous resté à la fenêtre? Pas longtemps. Êtes-vous resté assez longtemps pour qu'il puisse traverser l'avenue jusqu'au portail et en revenir? Non, monsieur, je ne crois pas. La cour voudra bien prendre note de cette réponse, dit M. Chataway, qui savait qu'on attachait une grande importance à ce dernier témoignage de Betsy. Vous avez donc quitté immédiatement la fenêtre? Presque immédiatement, monsieur. Je ne crois pas y être resté assez longtemps pour le voir revenir, s'il est revenu. Je n'ai jamais dit que j'y sois resté beaucoup. Quelle heure était-il lorsque vous l'avez vu sortir? Je ne sais pas exactement. Il faisait sombre. Je découvrais les lits, ce que je fais habituellement un peu avant 9 heures. La chambre où j'allais ensuite était celle de monsieur Anthony. Le défunt y était-il? Il y était, étendu de tout son long sur le sofa, pensant peu, le pauvre monsieur, qu'il serait bientôt couché plus bas avec une blessure dans le côté. Il avait la tête sur le coussin et les pieds sur l'autre bras du canapé avec un cigare à la bouche, des verres et d'autres choses sur la table à côté de lui. « Qu'est-ce que vous venez m'embêter par ici ?» qu'il me cria. Je lui demandai pardon, car vous comprenez, messieurs, que je ne savais pas qu'il était là. Je sortis avec mon seau et je rencontrai Joseph qui lui portait une lettre. Un peu après, il sortit. La disposition des témoins à se lancer dans les commérages était si sensible qu'à plusieurs reprises on fut obligé de l'interrompre. « Combien de domestiques comprennent le ménage de M. Dare ?» lui demanda-t-on. « Nous étions quatre, messieurs. Êtes-vous restés tous debout cette nuit-là ?»« Oui, monsieur, excepté la cuisinière. Et vous n'avez entendu aucun bruit avant le retour de M. et Mme Dare ?»« Nous n'avons rien entendu. Nous étions assis tout tranquillement dans la cuisine, la femme de chambre et moi travaillant, Joseph endormi. Nous n'avons absolument rien entendu. » Joseph succéda à Betsy. Il déposa qu'il avait fermé toute la maison à 11 heures, à l'exception de la fenêtre de la salle à manger, qu'il laissait ouverte d'après des ordres reçus. Il affirma aussi tous les faits à sa connaissance. L'institutrice fut ensuite appelée. On lui demanda ce qu'elle savait de la querelle et de la conduite subséquente d'Anthony et de Herbert dans le salon. Mais son témoignage n'apprit rien de nouveau. Elle affirma qu'elle n'avait pas non plus entendu de bruit entre 11 heures et 2 heures, qu'elle dormait à ce moment-là, et qu'elle ne s'était réveillée qu'au bruit du tumulte causé par la découverte du corps. Elle se disposait à faire part à la cour de sa persuasion de l'innocence du prisonnier, lorsqu'on l'arrêta brusquement lui disant que, si elle ne savait rien de plus, elle pouvait se retirer. Elle fit une profonde révérence au tribunal et obéit. Aucun des témoins ne répondit avec plus de calme et de tranquillité. Lord Hawksley, M. Brettel, cité par devant le jury, comparurent aussi. « Quels étaient les jeux joués ce soir-là dans votre appartement ?» demanda-t-on à M. Brettel. « Les uns jouaient au whist, les autres à l'écarté. »« À quoi jouait le défunt ?» Au whist. « Perdait-il ou gagnait-il » Il perdait, mais une somme insignifiante. « Nous avons dû cesser le jeu parce que le défunt n'avait pas la tête assez libre pour continuer. » « Était-il dans un état de sobriété en vous rejoignant ?» Nullement. Il avait déjà trop bu, et il but encore plus chez moi. Pourquoi l'accompagna-t-vous? Il n'était pas capable de s'en aller seul, et je ne craignais pas de faire une promenade. La nuit était très belle. Parla-t-il durant la soirée de sa querelle avec son frère? Demanda le juge. Non. Il se passa, comme nous retournions chez lui, un incident que je ferais peut-être bien de mentionner. Vous devez mentionner tout ce qui a rapport à cette malheureuse affaire, interrompit le juge. Vous avez juré de dire toute la vérité. « Je ne crois pas que cet incident ait un rapport direct avec cette affaire. Si j'avais attaché quelque importance, j'en aurais parlé auparavant. » En passant le tournant qui conduit au champ de course, un homme nous rencontra et commença à insulter le défunt. Celui-ci avait grande envie de s'arrêter pour lui répondre, mais je l'en empêchais. « De quelle nature étaient ces insultes ?» demanda l'avocat. « Je ne me rappelle pas les termes précis. Seulement le défunt était accusé de boire son argent au lieu de payer ses dettes. Cet homme s'appuyait contre le mur tout en parlant. Il paraissait lui-même avoir trop bu. J'entraînai le défunt et nous fûmes bientôt hors de sa portée. Que devint cet homme? Je n'en sais rien. Nous le laissâmes appuyé au mur. Il demandait en criant au défunt quand sa note lui serait payée. Je crois que ce n'était qu'un ouvrier. Vous suivit-il? Non. Du moins, nous ne l'entendîmes plus. J'amenai le défunt jusqu'au portail de sa maison et je le laissai là. Dans quel état se trouvait-il alors? Il était complètement ivre. C'est à peine si je pouvais comprendre ses paroles. Pouvait-il marcher seul? Il allait de travers. Quelle heure était-il? À peu près 11 heures et demie. Je crois que le demi sonnait comme je le quittais, mais je n'en suis pas sûr. En revenant, avez-vous rencontré l'homme qui vous avait accosté? Non. Chose assez curieuse, l'individu dont on venait de parler se trouvait dans l'audience. En entendant le récit de M. Brittle, il s'avança volontairement. Il déclara qu'il avait ce soir-là pris un coup de trop, ce qui lui avait un peu trop délié la langue, mais qu'Anthony Dare lui devait depuis fort longtemps, pour des raccommodages d'habits, la somme de 350 francs, dont il reculait de jour en jour le paiement. L'ouvrier ajouta qu'il était pauvre, qu'il avait une nombreuse famille, et avait bien besoin de l'argent de cette note qui, sans doute, ne lui serait jamais payée. Il demeurait tout près de l'endroit où il avait rencontré le défunt et le monsieur qui venait de rendre son témoignage, et il pouvait prouver qu'il était rentré chez lui aussitôt après les avoir perdus de vue et qu'il s'était couché avant 11 heures et demie. La ville tout entière, acheva-t-il, avait à se plaindre du jeune monsieur Anthony Dare. Cependant, le pauvre garçon ne méritait pas un sort pareil, et lui, bien que son créancier, eût été le premier à le protéger. On ne pouvait mettre en doute la véracité de ce témoin. Le tailleur était connu pour un homme inoffensif, ne s'appesantissant sur ses griefs que lorsqu'il prenait un peu plus de boisson qu'il ne lui en fallait. Le sergent de ville, qui avait passé près de la résidence de M. Der, fut ensuite interrogée. « Avez-vous vu le défunt cette nuit-là » lui demanda-t-on. « Oui, monsieur. Je le vis revenir chez lui avec le monsieur qui vient de parler, M. Brittle. Je remarquai que le jeune M. Der avait la langue épaisse, comme s'il avait bu. Paraissait-il en bonne intelligence ? Parfaitement. M. Brittle riait en ouvrant la porte au défunt et lui recommanda de ne pas embrasser la terre. « Étiez-vous près d'eux ?»« Tout près, monsieur. Je souhaitais le bonsoir au défunt, mais il ne m'entendit pas. Je m'arrêtai à le regarder, il trébuchait en marchant. « Quelle heure était-il ? » ?»« Près de 11h30, monsieur. » « Avez-vous remarqué quelques signes qui pu faire supposer que quelqu'un fût levé dans la maison ?»« Pas du tout, monsieur. La maison était très tranquille et tous les rideaux tirés. » Un témoin dont la présence causa une profonde sensation fut appelé. C'était le malheureux père d'Anthony Der. Depuis l'assassinat, 2 mois auparavant, M. Der avait bien vieilli. Son front s'était plissé, ses joues s'étaient ridées, ses cheveux avaient blanchi. Il avait l'air d'un homme affaissé sous le poids des chagrins. Bien des figures exprimèrent la compassion à sa vue. Après le sermon, on lui demanda s'il connaissait la querelle qui avait eu lieu entre ses deux fils. « Personnellement, non, » répondit-il, « je n'étais pas chez moi. » Il a été déclaré qu'au moment où ils se séparèrent, votre fils Herbert menaça son frère. Était-il d'un caractère vindicatif ? Non, répondit M. Der avec émotion. Je puis affirmer qu'il ne l'est pas. Mon pauvre fils Anthony était plutôt sombre et renfermé, mais Herbert ne l'a jamais été. Il y avait beaucoup de mésintelligence entre les deux, à ce que je crois. Je le crains. Il a été dit que vous-même, en quittant la maison ce soir-là, vous leur aviez recommandé de ne pas se quereller. Est-ce vrai ? Je crois que oui. Anthony rentrait comme nous partions, et je lui dis quelque chose à ce sujet. Le prisonnier était-il présent ? Non, il n'était pas revenu. Il est certain qu'il rentra tard, dîna et ressortit à la tombée de la nuit. Il paraît que personne ne l'a revu jusqu'au moment où vous êtes allé à sa chambre après la découverte du corps. Il affirme qu'il venait seulement de rentrer. Savez-vous où il avait été ? Non, dit le témoin avec tristesse. Il ne veut pas vous l'avouer. Non, il s'y refuse. Mais, ajouta le témoin avec émotion, il a nié sa culpabilité depuis le commencement de la manière la plus décisive, et je déclare solennellement que je le crois innocent. Je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas dire où il était, mais je suis persuadé qu'il pourrait le prouver s'il le voulait. Je n'affirmerais pas ce fait si je ne le croyais pas, continua-t-il en levant sa main tremblante. Tous les deux étaient mes fils. Celui qui a été assassiné était mon aîné, peut-être mon préféré, et je jure que je ne voudrais pas défendre son meurtrier. Ce meurtrier fut-il son frère ? Les témoins chargés interrogés, la défense commença. L'un des avocats, M. Shutterway, homme éminent dans le barreau, luttait contre une position désavantageuse à ce que remarquait l'auditoire. M. Winter et lui avaient beau exercer toute leur éloquence, ils ne pouvaient attirer les soupçons d'aucun autre côté. Si Herbert Der n'était pas coupable, qui donc l'était ? C'était une pierre d'achoppement pour l'avocat. Mais ces obstacles ne sont rien pour un plaideur habile. Peu à peu, M. Shutterway détourna tous les arguments qui semblaient d'abord accuser le prisonnier. La présence du manteau même était à ses yeux une preuve négative. « Si Herbert était le coupable, disait le savant avocat, aurait-il été assez dénué de réflexion pour laisser son manteau sur le théâtre de la lutte et se faire ainsi reconnaître immédiatement ? Non, certes, il se serait empressé de le faire disparaître. Le fait même que ce manteau se trouvait sous la victime est la preuve la plus évidente que le prisonnier ignore complètement ce qui s'est passé. Et s'il avait pu soupçonner que son malheureux frère, mort ou blessé, était étendu dans la chambre, ne se serait-il pas aussi hâté de relever son manteau de peur que les termes dans lesquels il se trouvait vis-à-vis l'un de l'autre ne conduisissent à l'accusé ? Peu à peu, il disposa ainsi de toutes les circonstances équivoques, de toutes à l'exception de la plus importante, le refus du prisonnier de déclarer où il avait passé une partie de la nuit. Chaque chose en son temps, messieurs les jurés, dit M. Shutterway, à l'ouïe de quelques murmures qui atteignaient son oreille. J'en viens à cette circonstance et j'établirai sous vos yeux un alibi aussi clair et aussi distinct qu'il n'ait jamais été permis à personne de le faire. La cour, les jurés, les assistants, tous écoutaient. Ils s'étaient adressés à des oreilles incrédules pour la plupart.